tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à l'ère de la surveillance numérique, une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous contraint au virtuel, les grandes oreilles de nos téléphones et de nos ordinateurs, les méchants GAFA et notre capacité à s'indigner qu'on lorgne sur nos données tout en nous roulant dans les réseaux sociaux. Alors pour commencer, les personnages. Un documentariste qui déroule une pelote, un responsable de data center, un journaliste dinosaure, un sociologue qui décrypte, un ancien de la DGSE, une juriste qui scrute le virtuel. Ensuite, le décor. Le port de Marseille, des hangars, des casques anti-bruit, des fibres optiques, un bunker du renseignement, des données personnelles, des câbles et du terrorisme. Aujourd'hui, deuxième épisode. Un peu de musique électronique. Je suis Antoine Tricot et vous écoutez la série documentaire « À l'ère de la surveillance numérique ». Et c'est réalisé par Rafik Zénine. Je passe ma vie sur Internet. J'utilise mon smartphone et mon ordinateur plusieurs heures par jour, pour mon travail de journaliste mais aussi pour mes loisirs. Et cela ne s'est pas arrangé depuis l'épidémie de Covid-19. En remontant la piste de mes données numériques, j'ai appris dans le précédent épisode qu'elles servaient avant tout à alimenter ce que certains appellent le capitalisme de surveillance. Des entreprises collectent mes données pour établir mon profil numérique et vendre de la publicité la plus ciblée possible. Ces techniques de marketing sont aujourd'hui utilisées aussi par des entreprises de communication politique, par exemple dans le cadre de campagnes électorales. Et il est bien difficile de vivre dans le monde présent sans que nos données soient exploitées. Ces réflexions ont fait surgir dans ma tête d'autres questions. Est-ce que ces bases de données peuvent être consultées par d'autres personnes que les entreprises qui les possèdent? Par exemple, est-ce que des États ou des services de renseignement peuvent fouiller dedans? Et si c'est le cas, je me doute bien que la surveillance des infrastructures numériques est devenue un enjeu géostratégique majeur. Épisode 2, géopolitique de la surveillance numérique. Pour commencer, j'ai décidé d'aller voir où étaient stockées mes données et dans quelles conditions. Nous sommes donc sur le port industriel de Marseille avec Laurent Macchietti, technicien du son pour Radio France. Antoine, c'est ça ? C'est ça. Et votre collègue, s'il vous plaît ? Alors Laurent Macchietti, M-A-2-C-H-I-E. Entre nous et la mer se dressent deux immenses bâtiments appartenant à la compagnie Interxion. Ils abritent chacun un data center où transitent tous les jours des milliards de données numériques. Nous franchissons plusieurs portails de sécurité. Nous passons sous le faisceau de nombreuses caméras de surveillance et notre identité est vérifiée plusieurs fois. Encore. Fabrice Coquiot, le président d'Interxion France, nous attend devant le data center MRS2. Vous êtes arrivé par là-haut ? Oui. Bon, bah, vous avez déjà vu une partie des infrastructures de sécurité physique, hein, de SaaS. Les caméras partout, les systèmes de barrières infrarouges, même un chat qui rentre, on le voit, les remontées d'alarme, la détection de présence quand on marche même sur les bitumes. Ah oui. Ça va assez loin dans la sécurité physique. Et c'est normal, puisque on pourrait très bien être soumis à des actes de malveillance, de terrorisme ou autre. Et donc, on a un premier niveau de protection. Alors ce qu'on voit ici à l'extérieur de ce bâtiment MRS2, mais c'est pareil pour tous nos bâtiments à travers toute l'Europe, je ne vous ai pas précisé qu'on est le numéro 1 mondial, hein, on a 285 data centers à travers le monde, sur les 6 continents, un peu plus de 120 data centers en Europe, et donc une dizaine en France, entre Paris et Marseille, sachant qu'on est en construction en permanence. Il ne faut pas oublier qu'un data center, c'est la raison pour laquelle ça coûte très cher, c'est capitalistique. Hein. Quand ce bâtiment, par exemple, MRS2, c'est 75 millions d'euros d'investissement. Et c'est fondamentalement une usine électrique. Hein. Ici, nous sommes donc sur un site à 16 MW de capacité. 16 MW, c'est ce que consomme une ville de 25 000 habitants, concentrée pour finalement livrer cette capacité électrique sur 4350 m² pour être précis, de salles informatiques, de salles blanches. On est bourré de capteurs de tous les côtés, on est bourré d'automates de tous les côtés pour avoir justement un pilotage intelligent par nos opérateurs humains sur des infrastructures qui elles-mêmes sont calées pour marcher systématiquement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voilà ce que nous voyons ici. Alors là, on est effectivement entre deux gros transformateurs et le bâtiment en lui-même. On est tout à fait dans le paysage industriel du port de Marseille. C'est une usine, hein. Un data center, c'est une usine, c'est l'usine du 21e siècle. Ce que nous voyons derrière, ce sont des systèmes de groupe secours. On va s'avancer un tout petit peu. On voit bien que c'est de l'industrie lourde, hein, avant même d'être des petits serveurs qui font bip bip avec des lumières bleues. Oui, là on se rend bien compte que l'Internet, c'est pas dans les nuages. Du tout, c'est clairement physique, c'est de l'infrastructure. Vous voyez, un data center, ça vit. Un bâtiment comme celui-ci, c'est à peu près 150 à 200 personnes qui rentrent et qui sortent par jour, c'est-à-dire par tranche de 24 heures. Mais comment sécuriser toutes ces allées et venues, justement ? Ah ben avec des outils et des process. Donc des outils, ce sont les fameuses 7 barrières physiques qui nous permettent de séparer les flux, de trier et au cas où d'empêcher d'entrer. Et puis ensuite, on a des systèmes qui nous permettent de pouvoir repérer nos clients qui sont autorisés de façon permanente ou de façon temporaire à accéder à leur machine. Ça peut être également de leurs sous-traitants qui sont autorisés pour 2 heures à venir dans les espaces et pouvoir faire une réparation quelconque. Peut-être rajouter aussi que bien évidemment nos infrastructures sont suivies de très très près par les forces de police et les forces de sécurité. On a des systèmes d'intervention rapide prévus et engagés au cas où. Force est de constater qu'au bout de 21 ans, nous n'avons jamais eu à avoir ce type de situation. Ça pourrait néanmoins arriver, c'est pour ça qu'on est préparé et organisé pour cela. Alors vers vous continue la visite. Je vous propose maintenant d'aller à l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous commercialisons réellement auprès de nos clients, c'est-à-dire les espaces et les infrastructures électriques associées. Donc ceci, c'est un des éléments de sûreté du site, c'est ce qu'on appelle un man-trap, c'est-à-dire un SAS unipersonnel, qui nous permet justement de nous assurer, vous voyez, il y a même une petite plaque en bas qui en fait va peser pour être sûr que, par exemple, 2 personnes accrochées l'une sur l'autre ne sont pas en train de rentrer alors qu'une seule est autorisée avec son badge. Tous nos sites sont équipés de ce type de SAS, des fois à plusieurs niveaux, y compris, bien sûr, comme vous l'avez pu le voir, de la détection sur empreinte digitale pour s'assurer que la personne présentant le badge est bien celle qui doit le faire. Alors, à l'intérieur d'un data center, vous avez finalement une organisation assez simple, hein, vous voyez, ça ressemble un peu comme un couloir d'hôpital, hein, c'est-à-dire un grand couloir très fonctionnel, très large pour pouvoir véhiculer des palettes, des machines, un certain nombre de choses, les transporter. Et puis de gauche à droite, eh bien, nous avons des répartitions, soit de salles techniques, notamment les salles d'onduleurs, c'est-à-dire les très grosses machines qui vont permettre de lisser le courant électrique et de le distribuer harmonieusement, ou alors tout simplement des salles clients comme celles que nous allons voir. Toutes les salles ne sont pas autorisées pour cette visite. Nous avons des niveaux de confidentialité différents par client. Donc soit le client prend une salle entière, voire des multiples de salles. Deuxième solution, il prend comme au zoo une cage. Cette cage elle-même peut avoir des niveaux de sécurité différents, avec des contrôles d'accès spécifiques, avec de la biométrie pour pouvoir rentrer, voire des parois opaques, parce que certains de nos clients ne veulent même pas que leurs voisins puissent voir le type de machine qu'ils utilisent. Et puis le dernier produit, c'est les baies informatiques à l'unité, hein, qui prend à peu près 1 mètre carré au sol. Donc là, on rentre dans une salle mutualisée avec différents types d'infrastructures. Et vous voyez, on sent que les machines tournent puisqu'on peut monter jusqu'à 65 décibels dans ces salles. C'est pour ça que les opérateurs se protègent avec des bouchons ou des casques s'ils doivent travailler longtemps dans ces espaces. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer une grande hétérogénéité des matériels déposés par nos clients. On n'est pas du tout sur de l'informatique de bureautique, hein. On est sur des systèmes de gros serveurs, de gros systèmes de stockage ou de systèmes télécoms, de routeurs, de switch et autres utilisés par nos clients. Ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle une ferme télécom de Orange qui amène un certain nombre de lignes et toutes les petits spaghettis jaunes que vous voyez, ce sont des fibres optiques. Donc une fibre optique, c'est ça. Et il y en a des milliers et des milliers qui correspondent justement à cette infrastructure de data center. Donc c'est deux colonnes en métal sur un rail jaune d'ailleurs. Tout à fait, sur lesquelles sont pluggés, donc accrochés, des équipements de distribution, de la capacité de câbles terrestre ce coup-ci que Orange a amené dans ce data center et qui va ensuite être réparti vers les autres clients consommateurs. Hein ? Fabrice Coquiot, pour décrire la salle, donc nous sommes entre deux rangées d'armoires vitrées, elles sont toutes noires ces armoires, et à l'intérieur donc ce qu'on peut voir c'est les serveurs avec tous ces câbles rouges, bleus. Tout à fait. Alors vous voyez aussi que c'est très anonyme, moi je sais et mes équipes savent très bien qui est qui. Mais ici, rien ne vous permet, puisque c'est un espace mutualisé, vous pouvez avoir le client A à côté du client B, rien ne vous permet d'identifier qui est finalement derrière cette machine-là qui tourne et qui fait d'ailleurs un peu de bruit, comme vous l'entendez. On est face à ce qu'on appelle un terrarouteur, une très grosse machine qui vaut plus de 100 000 euros et dans lequel il faut absolument que l'air passe au bon endroit pour refroidir convenablement la machine. Alors ça ressemble à quoi un terrarouteur ? Ben vous voyez, c'est un équipement qui permet finalement de gérer tous les flux à travers l'adressage IP, c'est-à-dire l'adressage Internet, pour peut-être, je ne sais absolument pas ce que fait le client et je ne veux surtout pas le savoir, c'est-à-dire envoyer peut-être de la data à Lyon, à Paris, à Francfort ou peut-être à Mumbai. La démonstration de sécurité de Fabrice Coquiot est rassurante. Ce data center est un coffre-fort, mais je me rends compte aussi que mes données ne font qu'y passer. Lorsque je consulte mes mails, un échange de données a lieu entre mon ordinateur et un serveur situé quelque part dans le monde. Ces données transitent le long de câbles terrestres ou sous-marins. Il ne suffit donc pas de garder ces données à l'abri dans un bunker, il faut que tout le réseau soit sécurisé. Nous parcourons quelques mètres pour pénétrer dans un second data center. Celui-ci a été installé dans une ancienne base sous-marine construite par les nazis en 1942. C'est un immense bloc de béton quasiment indestructible. Les restrictions d'accès sont drastiques et nous ne sommes pas autorisés à en visiter l'intérieur. Alors nous sommes sur le toit, plus exactement sur le rooftop de MRS3. On est à 23 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout en haut du bâtiment. Nous sommes face à l'ouest, hein, face à la mer. Et on voit, c'est peut-être une des plus belles vues de Marseille, puisque on voit de l'Estac au nord jusqu'au Goude vers le parc des Calanques au sud. Si on se penche un tout petit peu, même sans se pencher, en se rapprochant, on voit même Notre-Dame de la Garde là-bas. Donc on a une très belle vue sur toute la baie de Marseille. Fabrice Coquiot, pourquoi construire des data centers à cet endroit-là ? Nous avons favorisé l'emplacement pour être au plus près de la digue du large que nous voyons ici, hein, qui est la grande digue de 8 km de long qui protège le port de Marseille, des bassins est. Parce que c'est là que vont arriver les prochains câbles télécom sous-marins, certains venant d'Afrique, d'Israël, du Moyen-Orient et surtout des gros câbles qui viennent d'Asie et de Chine en particulier. Marseille est située au cœur de la route des données entre l'Europe de l'Ouest, l'Afrique, les mondes arabes et l'Asie. Le hub marseillais, tout comme le hub parisien, fait d'ailleurs partie des 10 plus importants mondiaux. Cette position géographique en fait un centre stratégique majeur de l'Internet mondial et une lutte discrète s'y joue entre différents pays. En 2021, un câble baptisé SIMIWI6 va venir raccorder Marseille à l'Asie du Sud-Est. Il aura une capacité deux fois supérieure à celle de l'ensemble des 14 câbles déjà présents dans la cité phocéenne. L'entreprise Huawei Marine, propriété du groupe chinois Hengtong, se bat pour obtenir ce marché. Et ça agite les services de renseignement américains, comme je le lis dans un article du site Intelligence Online. Les États-Unis craignent que si Huawei Marine obtienne la gestion de ces câbles, l'État chinois ait plus de facilité à intercepter les données qui y circulent. Les services secrets américains savent de quoi ils parlent. Car en 2013, le journal allemand Der Spiegel révélait qu'ils interceptaient les données transitant par un autre câble atterrissant à Marseille, le SIMIWI 4. Au milieu des années 2000, fin des années 2000, le cyberespace est devenu une priorité stratégique pour les États, c'est devenu un nouveau champ d'affrontement. Odgeri est juriste. Elle est l'auteur d'une thèse sur la prolifération des armes numériques et elle est spécialiste des questions des géopolitiques du cyberespace. Et donc, à partir de là, les États ont investi des moyens pour protéger ce qu'ils considèrent souvent ou parfois comme un cyberespace national, ou tout au moins pour projeter leur puissance dans le cyberespace. La France a fait le choix d'avoir une autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été créée en 2009 et qui est l'autorité nationale depuis 2011. L'organisation de la cyberdéfense en France repose sur une séparation de l'offensif et du défensif. Et l'idée qui a conduit à cette séparation, c'était que l'ANSSI devait pouvoir coopérer notamment avec les acteurs économiques, que pour ça il fallait développer un climat de confiance et donc qu'il fallait que l'ANSSI ne fasse que du défensif. Alors si l'ANSSI fait du défensif, qui fait de l'offensif en France ? Des services de renseignement vont pouvoir faire de l'offensif. Le COMCYBER, le commandement de la cyberdéfense au sein du ministère des Armées, lui va pouvoir à la fois mener des opérations, mais est aussi en charge de la sécurité, de la protection des réseaux du ministère de la Défense. Ils ont la double du ministère des Armées, pardon. Ils ont le COMCYBER à la double casquette. Qu'est-ce qui leur fait peur aux États ? La capacité, finalement, aujourd'hui, on peut voir ça comme la capacité à contrôler un territoire, alors contrôler au sens de connaître ce qu'il se passe sur ce territoire, une perte d'influence. Et puis, si on va, je dirais, à l'extrême, quand vous avez un État qui est relié par un seul câble, eh bien, si on coupe le câble, il n'y a plus Internet. Donc, ça peut aussi conduire à un contrôle presque physique du territoire. On voit notamment dans le Pacifique, il y a des vrais enjeux de pouvoir entre, par exemple, la Chine ou l'Australie sur la question des câbles sous-marins pour relier telle ou telle île. Parce que, par ce biais, il peut y avoir un contrôle des infrastructures derrière. Alors, en quoi ça me concerne, moi, Antoine Tricot, qui suis journaliste et citoyen français ? Ça vous concerne parce que vous utilisez des systèmes d'information, vous avez un ordinateur, vous avez un smartphone, vous êtes connecté, vous allez sur Internet en permanence, et les États vont mener des opérations dans le cyberespace, vont pouvoir collecter vos données à des fins de surveillance, donc c'est dans cette mesure-là que vous pouvez être concerné. On peut avoir des programmes de surveillance de masse, on en a entendu parler notamment avec les révélations Snowden, les programmes comme le programme PRISM, mais il peut y avoir aussi des opérations d'espionnage beaucoup plus ciblées. Et là, vous pouvez notamment prendre, pour exemple, les rapports qui sont produits par le centre de recherche Citizen Lab à Toronto, qui fait régulièrement état de campagnes d'espionnage contre des dissidents politiques ou contre des journalistes. C'est pour les uns un héros, un formidable défenseur de la démocratie, pour les autres un irresponsable, un ennemi des États-Unis. Edward Snowden, 29 ans, ex de la CIA, employé d'un sous-traitant de la NSA, l'agence de sécurité américaine, a décidé de sortir de son silence car il ne peut, dit-il, laisser Washington espionner n'importe qui et détruire la vie privée et les libertés élémentaires. Voici ce qu'il affirme dans l'interview accordée au Guardian. Même si vous ne faites rien de mal, vous êtes regardé, enregistré, et les capacités de stockage des systèmes de surveillance augmentent chaque année. Edward Snowden se dit conscient des risques qu'il encourt, il s'est réfugié depuis 3 semaines à Hong Kong, alors pourquoi a-t-il révélé les méthodes des renseignements américains ? C'est au public de décider si ces programmes, ces politiques sont justes ou non. C'est la vérité, c'est ce qui se passe, vous devez décider si on a besoin de faire ça. Edward Snowden risque gros, mais il affirme que son propre sort passe au second plan. Ma plus grande crainte concernant les conséquences de ces révélations pour l'Amérique, c'est que rien ne change. Des responsables américains demandent déjà l'extradition d'Edward Snowden. Londres, Franck Matovon, France Inter. Antoine Champagne, vous êtes journaliste. Vous êtes, comme vous le dites, un dinosaure du web. Et vous êtes aussi connu sous le pseudonyme Kitetoa, que vous avez depuis les années 90, date à laquelle vous avez commencé à vous intéresser aux questions numériques en France. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Snowden et de la réaction que vous avez eue au moment où c'est sorti dans la presse ? Alors oui, bien sûr. Les technologies et les méthodologies en fait employées par les États pour intercepter les communications via les réseaux IP, c'est-à-dire en fait réseaux de type Internet, C'était quelque chose qu'on avait déjà pas mal évoqué sur reflet.info, notamment au travers de la vente par une société française et avec l'aide du gouvernement français de l'époque d'un système permettant justement de mettre sur écoute, d'intercepter n'importe quelle communication dans tout un pays, en l'occurrence la Libye de Kadhafi. La société c'était Amesis. Et le fait d'avoir tout d'un coup accès à des documents précis et techniques qui décrivaient en fait ce qui avait été mis en place par une puissance importante comme les États-Unis, bien ça nous confortait dans notre idée. Et ça permettait aussi de ne plus passer pour des illuminés ou des complotistes, quoi. Chaque moyen dévoilé au fil du temps montrait l'ampleur en fait du système. Guten Morgen NSA. Yeah. Guten Morgen NSA. Heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Hab das Handy am Ohr. Ihr wisst eh wo ich steck. Ah. Guten Morgen NSA. Ich bin ein Insider. Doch ihr seht mir alle zu, das bedeutet wohl, ich bin keiner. Ihr lest mein Tagebuch, sie wissen jetzt so einiges. Es ist interessant, besonders wenn es ein Geheimnis ist. Sie wissen, ob du pleite bist, sie wissen, ob du Scheine machst. Ohne Papier kommst du nicht raus, Reisepass. Treff den Typ von WikiLeaks und lege eine Beichte ab. Und dann werde ich verurteilt von dem Land, das ich verteidigt hab. Ich weiß, sie überwacht mein Handy von da oben. Ich räche mich und treffe mich mit Manning oder Snowden. Mann, ihr hängt mir in den Ohren, riecht den Braten in der Küche. Es gibt etliche Methoden, um die Daten zu verschlüsseln. Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Hab das Handy am Ohr, ihr wisst eh wo ich steck. Alter, stell dir das vor, Placebo-Effekt. Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Hab das Handy am Ohr, ihr wisst eh wo ich steck. Alter, stell dir das vor. Félix Tréguer, vous êtes sociologue, vous travaillez pour différents laboratoires de recherche, beaucoup autour des questions de numérique d'Internet, et vous êtes aussi militant à la Quadrature du Net. Et je voulais vous demander depuis quand on peut parler de collecte massive des données par les États. La collecte massive de données de données comportementales, notamment sur la population, c'est quelque chose qui est intimement lié à l'informatique, en fait, qui a permis vraiment un passage à l'échelle dans les formes de surveillance, et donc d'avancer, d'aller vers ces formes de surveillance totale, qui étaient possibles, hein, dont on a tous en tête la référence de la Stasi, un film comme La vie des autres, avec des bureaucraties policières tentaculaires qui permettent de mettre massivement sous surveillance une population. Mais dans des régimes libéraux, en tout cas, ces formes de surveillance massive sont intimement liées à l'informatique et à ce passage à l'échelle que permet l'informatique, qui démultiplie à la fois les traces numériques et offre aussi les capacités de calcul pour non seulement les stocker et les analyser. Et donc, historiquement, c'est des projets qui datent des années 90. Par exemple, il faut savoir qu'une entreprise comme Google, au milieu des années 90, elle reçoit des fonds de recherche du Pentagone, qui a à l'époque plusieurs programmes pour justement essayer de développer des technologies d'analyse massive de données. Là, en l'occurrence, c'était donc financer des outils d'indexation du web. Et il y a un projet qui est assez connu parce qu'il fait date un petit peu dans l'histoire des programmes de surveillance massive, notamment ceux révélés, divulgués par Edward Snowden en 2013, le lanceur d'alerte de la NSA. C'est le projet Total Information Awareness, qui est remis en branle, en fait, au lendemain du 11 septembre 2001, par une partie du personnel de la NSA, l'agence de renseignement américaine, et qui, voilà, comme son nom l'indique, vise justement à créer une information totale sur le comportement de la population mondiale. J'aurais traditionnellement, dans le renseignement, il y a le système, on voit les écoutes. Hein. Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGS. On a l'image du monsieur avec un casque sur les oreilles qui écoute les communications téléphoniques. Hein. Donc ça existe depuis... Je dirais que les gens téléphonent, hein, donc c'était le renseignement. Voilà, maintenant, cette partie-là est devenue, compte tenu de la quantité de communication, qui est absolument gigantesque, on se rend compte que les données, finalement, à faible niveau, disons à faible indice, je dirais, d'information, si vous les cumulez, vous obtenez finalement un renseignement extrêmement fort. Donc ce que j'appelle le traitement massif des métadatas, ce qu'on appelle les métadatas, C'est-à-dire c'est toutes les données techniques qui accompagnent une communication, un email, n'importe quoi. Donc vous avez beaucoup de métadata et ce traitement massif des métadata apporte énormément de renseignements en fait. Même peut-être souvent plus de renseignements que le contenu lui-même de la communication. Et c'est ça qui a changé fondamentalement les choses. Et cette révolution a été faite dans les années 2000 à 2010 en fait. Et on était dans une phase quand même qui commençait à forcer dans le renseignement, dans le terrorisme en particulier en France venant de Syrie, d'Irak, mais aussi venant du Mali. Je pense qu'on est nos relations avec certains partenaires ont changé aussi de par le fait que nous avions accès maintenant à de l'information. Alors on sait grâce au travail de journaliste d'investigation qu'il y a une réunion très importante qui se tient en 2008 dans le bureau de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, il est alors président de la République. Et c'est un moment où, comme fréquemment en fait à travers l'histoire des services de renseignement, les directeurs des services sollicitent de la part du pouvoir politique un accroissement de leurs moyens. Et en l'occurrence, à l'époque, la DGSE, les services de renseignement extérieur français, sentent qu'ils sont en train de se faire distancer par leurs homologues anglo-saxons, notamment le GCHQ britannique et la NSA états-unienne, en matière de surveillance massive d'Internet. Et ils demandent lors de cette réunion un plan sur 4 années, un plan de financement en fait de mise à jour des moyens techniques dont dispose la DGSE. Et ça représente de ce qu'on en sait 700 millions d'euros sur 4 ans pour construire donc des stations d'interception du trafic internet au niveau des câbles, enfin des stations d'atterrissement des câbles sous-marins qui par lesquels transite le trafic internet mondial. Ce qui permet ensuite de dupliquer une partie du trafic internet, par exemple tout le trafic qui viendrait de la zone Moyen-Orient, pour ensuite l'envoyer dans des data centers qui vont stocker toutes ces masses d'informations, et ensuite aussi des outils d'analyse. Et tout ça, toute cette infrastructure, et les recrutements aussi en ingénieurs, en analystes, mais surtout en ingénieurs et des personnes formées à l'informatique, sont nécessités à un plan de financement assez ambitieux. Et dans le même temps, en tout cas quelques mois plus tard, les services de renseignement intérieur, en travaillant avec une entreprise qui s'appelle Cosmos, vont expérimenter en fait des technologies similaires sur l'infrastructure réseau française. Quoi. Dans un article daté de 2015 et publié dans l'Obs, le journaliste Vincent Jauvert raconte par le menu le développement des capacités de surveillance numérique de la France. Il explique notamment que la première station captant le trafic Internet qui passe par le pays est mise en place le 1er novembre 2008 à Marseille, par la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. D'autres stations ont suivi. Je découvre en fait que la France, du fait de son histoire et de sa situation géographique, a une position particulièrement stratégique dans l'infrastructure Internet mondiale. Une 20aine de câbles qui relient plusieurs continents y arrivent. En 2009, la DGSE place aussi des sondes chez les principaux opérateurs français, sous le nom de IOL, Interception Obligatoire Légale. On doit une partie de ces sondes à Cosmos, une entreprise française créée en l'an 2000. Elle travaille avec la DGSE depuis 2006 et est classée confidentielle défense depuis 2009. Antoine Champagne et l'équipe de son site d'information reflet.info ont longuement enquêté sur cette entreprise. En 2016, ils ont révélé avec Mediapart l'affaire des sondes IOL. La technologie qui a fait la réputation de Cosmos, c'est le Deep Packet Inspection, DPI. C'est une technologie qui permet, en fait, si vous voulez, quand vous faites une requête sur Internet, quand vous demandez la page d'accueil de Google, votre requête, elle est découpée en petits paquets, en petits morceaux, et ces petits morceaux s'éparpillent sur Internet, se reconstituent à l'arrivée, reviennent, donc ils ont des informations, ces petits paquets, de d'où je pars, où je vais, et ce que je dois faire. Eh bien, cette technologie permet d'inspecter tous les petits paquets qui circulent sur Internet, les uns après les autres, et de les classifier pour dire, ben voilà, ça c'est du web, ça c'est du mail, ça c'est du chat, ça c'est du WhatsApp, ça c'est du je ne sais pas quoi, etc. Et en fonction de ce que l'on veut faire, eh bien, ça peut devenir de plus en plus intrusif, c'est-à-dire que En gros, on va pouvoir soit conserver les données techniques d'où je viens, où je vais, c'est-à-dire qui parle à qui, soit le contenu en fait de l'information, c'est-à-dire par exemple dans un mail, le contenu du mail, pas juste le fait que je vous envoie un mail tel jour à telle heure, mais le contenu également. Après, une fois qu'on a récolté ces petits paquets, qu'on les a triés, catalogués, on va les stocker dans une base de données, et après un opérateur, un membre d'un service quelconque, de police ou de renseignement, va pouvoir en fait entrer soit un email, soit une adresse IP, soit un pseudo, comme dans un moteur de recherche en fait, mais la réponse qui va lui être donnée, c'est la reconstruction de tous les échanges de cette personne sur Internet. Voilà, avec qui il a été en contact, etc. Et on va faire des graphiques, des arbres de connaissances. Il a parlé avec telle personne, qui elle-même parle avec telle autre personne, etc. De fil en aiguille, on va pouvoir finalement, donnez-moi trois lignes écrites de la main d'un honnête homme, je trouverai de quoi le faire pendre. C'est exactement ça. De fil en aiguille, on va trouver qu'il était en relation avec quelqu'un qui. Dans le premier numéro de la revue Le Crieur, paru en 2015, le philosophe Grégoire Chamaillou examinait les idées qui ont accompagné l'émergence de ces pratiques de surveillance aux États-Unis. Il trace ainsi une généalogie entre la recherche des signatures de sous-marins par les sonars américains durant la guerre froide et la recherche de tout motif suspect dans la masse immense des données numériques récoltées désormais par les services de renseignement. À l'appui de cette démonstration, il cite notamment ces mots de Laetitia Long, l'ancienne directrice de la National Geospatial Intelligence Agency américaine. Aujourd'hui, le renseignement, c'est comme chercher quelque chose dans un grand océan. Quelque chose qui peut être un poisson, ou peut-être pas. À vrai dire, il peut s'agir de n'importe quoi. Quelque chose de potentiellement important, mais dont on ne sait même pas, pour commencer, si ça existe. Cela peut prendre l'aspect d'un banc de poissons organisés, ou bien d'éléments sans aucun lien. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons le trouver, l'identifier, et, qu'il s'agisse d'un poisson ou d'un oiseau de mer, comprendre ce qui le rattache à d'autres objets importants à nos yeux. Le programme Skynet est peut-être un bon exemple de cette méthode. Selon les documents révélés par Edward Snowden, ce programme consistait à surveiller 55 millions de citoyens pakistanais via les métadonnées de leur téléphone portable. Par exemple, la localisation des appareils lors des appels. Ça a permis aux agences de renseignement de modéliser le comportement de ces individus. Quelle personne rencontre quelle personne, qui voyage avec qui. Le programme compare ces métadonnées à celles générées par les téléphones portables de terroristes connus ou de personnes perçues comme innocentes. Une note sur 100 estime ensuite la probabilité qu'un téléphone portable appartienne à un innocent ou à un terroriste. La pratique a été très critiquée lorsqu'elle a été révélée en 2015. La marge d'erreur d'un tel système est en effet très élevée. Pourtant, la liste des personnes désignées comme terroristes par ce programme a très probablement servi aux services de renseignement américains pour choisir des cibles qui ont été ensuite abattues par des drones dans la guerre contre le terrorisme que mènent depuis 2001 les États-Unis. Félix Tréguer, avancée de la collecte massive des données est souvent en relation avec des législations antiterroristes. Alors les crises antiterroristes, et à l'image d'autres types de crises, et notamment la crise sanitaire que l'on traverse actuellement, sont des moments en fait d'intensification de ces formes de pouvoir, de ces techniques de pouvoir. Mais en réalité, je ne crois pas que ce soit les crises qui génèrent ces modalités de surveillance massive. Les crises sont plutôt l'occasion d'un élargissement, d'un approfondissement de logiques antérieures, en fait. Et c'est des moments où, en fait, des technologies, des projets, des logiques de surveillance qui étaient dans les cartons depuis plusieurs années, ça devient possible au plan politique de les rendre légales à travers de l'évolution de la législation. Et donc, c'est plus, un moment d'approfondissement, de banalisation, de normalisation de pratiques controversées que vraiment l'origine, en fait, de ces modes de surveillance. Mais clairement, le cycle antiterroriste ouvert en 2001 et réactivé depuis au gré des attentats qui ont marqué ces 20 dernières années, à chaque fois, ces crises antiterroristes sont des moments où les capacités de surveillance des États sont approfondies, élargies, notamment au travers de l'adoption de nouvelles législations. Un très bon exemple, ce serait la loi renseignement de 2015, qui est venue légaliser tout un tas de pratiques de surveillance que les services de renseignement pratiquaient de longue date, qu'il s'agisse de la surveillance massive d'Internet au niveau des stations d'atterrissage des câbles sous-marins, un programme de la DGSE, qu'il s'agisse aussi des techniques d'intrusion informatique au travers de ce qu'on appelle le chevaux de Troie, des petits logiciels espions envoyés à distance sur les ordinateurs, et plein d'autres techniques de surveillance donc légalisées en 2015, en fait, étaient employées depuis des années par les services de renseignement. Les gouvernements successifs savaient depuis au moins la fin des années 2000 que ces pratiques étaient illégales et qu'il fallait d'urgence les légaliser pour les sécuriser au plan juridique, mais le contexte politique n'était pas réuni. Il a fallu en fait les attentats de janvier 2015 à Paris pour créer un climat politique et sécuritaire en l'occurrence propice à l'adoption de cette législation donc qu'on envisageait depuis longtemps. Du fait du secret qui entoure les actions des services de renseignement, il est difficile de savoir ce qu'ils ont les moyens de faire précisément. Ce qui laisse de l'espace à des théories contradictoires et parfois franchement complotistes. Le journaliste spécialisé Jean-Marc Manac a produit nombre d'articles pour tempérer une vision caricaturale de la surveillance massive des télécommunications, en particulier en France. Dans un article publié en 2016, sur son blog Bug Browser, hébergé par Le Monde, il proposait d'en finir avec la surveillance de masse. Selon lui, la surveillance de l'ensemble des activités numériques de toutes les personnes sur les territoires français en temps réel coûterait bien trop cher à l'État. Le réseau de l'Hexagone est trop décentralisé, le volume de données est trop grand, et par ailleurs, depuis l'affaire Snowden, énormément de services ont opté pour le chiffrement de données, ce qui les rend encore plus complexes à exploiter. En revanche, il est bien plus plausible que les services de renseignement possèdent des systèmes permettant de surveiller les activités numériques et les communications, non pas de l'ensemble de la population en permanence, mais de n'importe qui en fonction des besoins du moment. Et lorsqu'une personne est ciblée, les données numériques de ses contacts et de son entourage au sens très large du terme sont aussi surveillées. C'est d'ailleurs dans ce but que des sondes ont été placées en 2008 sur le réseau français. Curieux, j'ai demandé à Bernard Barbier, qui à l'époque était en charge de ce programme à la DGSE, où étaient placées ces sondes en France. Il faut savoir que, en fait, elles sont dans des nœuds de télécom importants où, la commission, avec des parlementaires, a donné son accord compte tenu de la loi de mettre ces boîtes noires, comme on appelle, mais qui, en fait, sont des algorithmes de détection, finalement. Est-ce que quelqu'un n'est pas potentiellement une cible future, quoi. Pour lever l'identité de la personne, il y a tout un processus, hein, donc tout ça est très anonyme, en fait, hein. Et là-dessus, il y a un encadrement juridique qui est très très fort, hein, je veux dire, c'est extrêmement encadré, hein. Donc, si je comprends bien, et je comprends si vous ne pouvez pas me répondre, il y a une collecte massive, mais qui n'est pas utilisée, sauf si une personne est ciblée par l'antiterrorisme. Non, la collecte massive, elle est contrôlée. C'est-à-dire que vous ne prenez pas n'importe quoi, vous prenez ce qu'on vous autorise à prendre. Non, je crois qu'il y a eu vraiment... certains journalistes ont... suite à des documents volés par Snowden, on dit, ouais, la France, moi, ils m'ont traité de monsieur grandes oreilles, etc. Non, je veux dire, tout ça est très contrôlé. Hein. Je veux dire, voilà, on est très très loin des images du passé. Hein. Jerry, est-ce que finalement les États ont le droit, d'autres États, les États-Unis, la Russie, la Chine, pour en citer que quelques-uns, de surveiller mes données? Est-ce qu'il y a un droit qui les empêche de faire ça, un droit international, quelque chose qui régule cette possibilité? Alors, le droit international s'applique dans le cyberespace. Donc, à partir de là, les États ont des droits et des obligations et va se poser la question de est-ce qu'ils peuvent collecter les données. Alors, on a différentes situations. Soit ça va être une opération ciblée contre vous particulièrement, par exemple. Donc là, une des questions qui se pose, c'est est-ce que c'est contraire au principe de souveraineté en droit international? Le principe de souveraineté, pour expliquer, c'est... Par exemple, un État A n'a pas le droit d'envoyer un agent sur le territoire de l'État B sans autorisation. Sinon, il y a une violation de la souveraineté de cet État-là. Bon, et bien la question qui va se poser, c'est est-ce que le fait de s'introduire de façon non autorisée dans un système d'information sur les territoires d'un autre État est contraire à ce principe de souveraineté ? Là, la réponse n'est pas fixée par le droit international. Il y a des positions divergentes. Après, si on prend la question de la collecte massive des données, il peut y avoir aussi des questions qui se posent au regard du respect du droit international des droits de l'homme. Les États commencent à prendre position sur ces questions-là. Certains ne souhaitent pas prendre position, d'autres ne prennent pas position publiquement. Donc pour l'instant, il est difficile on n'a pas d'interprétation finalement fixée du droit international en la matière, même si on voit des lignes juridiques qui se dessinent. En fait, on est plus dans le domaine de l'espionnage que de l'action militaire classique. C'est ça. Et l'espionnage, d'un point de vue juridique, en soi, n'est pas interdit. Par contre, les actes d'espionnage, eux, peuvent être illicites au regard du droit international. Mais en soi, les États ont le droit de faire l'espionnage. Régulièrement, des affaires de cyberespionnage à grande échelle font les titres des journaux. C'est le cas de Sunburst, qui a agité la chronique à la fin de l'année 2020. Le 8 décembre, l'entreprise FireEye, une immense entreprise de cybersécurité, annonçait avoir été la cible d'une attaque informatique. Une attaque qui a permis d'identifier une porte dérobée discrètement intégrée dans le logiciel d'une société baptisée SolarWinds, sans que celle-ci s'en aperçoive. Ce programme visait les administrations américaines et émanait probablement de la Russie. S'il est possible de s'introduire dans les systèmes informatiques de sociétés dont le travail est de faire de la cybersécurité, j'imagine que ce doit être très facile de faire ça sur mon ordinateur. D'ailleurs, depuis que je travaille sur ce projet de documentaire, je regarde mon téléphone portable différemment. Lorsque je l'ai acheté il y a plus de 2 ans, je ne pensais pas que d'avoir un portable chinois puisse être un problème. Or, j'ai pris conscience que la Chine est devenue une immense puissance dans le domaine de l'espionnage numérique. Bernard Barbier, j'ai un téléphone Huawei. Je suis allé en Chine et ils ont pris ma photo à l'entrée du territoire. Est-ce que je dois avoir peur que mes données soient dans les serveurs du régime chinois ? Je pense qu'il y a des chances. Maintenant, est-ce que vous intéressez les Chinois ? Bof. Mais si vous commencez à titiller fortement le gouvernement chinois, je pense qu'il faudra vous méfier quand même. Hein. Parce que, voilà, moi je trouve que la liberté qu'on a laissée à ces entreprises chinoises, je ne la comprends pas, quoi. Qui la surveillance étrangère vise en France ? Il y a une concurrence effrénée entre les pays et les entreprises, et donc l'espionnage économique, à mon avis, est extrêmement fort. Et je pense que beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte. Il faut qu'elles analysent clairement, je dirais, dans le cas de l'intelligence économique, qu'elles analysent clairement quelles sont leurs menaces, quels sont leurs concurrents. Et le concurrent, il n'est pas obligatoirement russe, chinois, il peut être aussi... d'un pays occidental proche. Bon, maintenant, en fait, avec le télétravail, 90% des sociétés du CAC 40 ont basculé complètement dans un monde Microsoft. Hein. Alors, Microsoft va venir vous voir en disant « Mais messieurs, moi, j'ai racheté telle start-up en Israël extraordinaire, je suis capable de vous vendre aussi toute la couche cybersécurité. » Maintenant, il faut réfléchir, il faut se dire « Mais... est-ce que pour la sécurité, donc, qui est en gros la défense ultime de mon système d'information, est-ce que je mets de l'israélo-américain ? » Et moi, clairement, je dis non. Il commence à émerger en France des entreprises comme Olvid, comme GateWatcher, comme Tetris, qui fournissent des technologies vraiment au top niveau, mais qui ont l'avantage essentiel. Ce sont des technologies maîtrisées, souveraines, qu'on peut garantir la sécurité. Et je crois qu'il faut que les industriels français comprennent ça. Je pense que la crise du Covid, la pandémie nous a bien montré que finalement, il fallait aussi peut-être arrêter ces dépendances stratégiques avec d'autres pays, quoi. Dans ce cadre-là, on peut aussi avoir peur que la plupart des infrastructures utilisées en France soient faites par des constructeurs américains, mais qu'aussi des agences de renseignement font des partenariats avec des grandes entreprises américaines, comme par exemple Palantir. Non mais c'est marrant, l'obsession que vous avez avec Palantir... dire, moi quand la DGSI, Monsieur Calvar, que je connais très bien, a fait le choix, je lui ai dit bravo, tu n'avais pas d'autre choix, tu as fait le bon choix. Je veux dire, Voilà, le problème, c'est que est-ce que vous vous battez avec des pierres ou avec des missiles ? Si vous, en interne, dans votre pays, vous ne fabriquez que des pierres, vous avez perdu la guerre. Donc, voilà, comme maintenant il y a une économie mondialisée, on peut importer des missiles et on se bat avec des missiles. Maintenant, c'est notre responsabilité collective, nous, de ne pas avoir fait l'équivalent de Palantir. Maintenant, voilà, c'est pas la DGSI qui est responsable, c'est nous. Pourquoi, avec notre intelligence et nos énarques, on n'a pas fait Palantir ? Palantir est une entreprise américaine qui s'est spécialisée dans les algorithmes permettant le traitement de grandes masses de données. Elle travaille avec des entreprises multinationales, des banques, mais aussi depuis 2015 avec la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Française. Bernard Barbier rêve que la France suive l'exemple israélien. Là-bas, l'unité 8200, l'équivalent israélien de la NSA américaine, a donné naissance à des dizaines d'entreprises aujourd'hui devenues incontournables dans le secteur de la cybersécurité. Concrètement, il faut pour ça une plus grande porosité entre les laboratoires de la DGSE et le monde industriel, au risque peut-être de voir les frontières se brouiller entre le service public et les intérêts économiques. Antoine Champagne, est-ce qu'on peut avoir peur de ces passages entre public et privé ? Alors, moi, je pense qu'il faut avoir doublement peur, parce que, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je préfère être écouté par un gouvernement que par une entreprise privée. Le gouvernement peut se retrancher derrière des excuses qui vont aller de la lutte contre le terrorisme à, si ce sont des écoutes judiciaires, évidemment, à une enquête judiciaire tout à fait logique et acceptable. Une entreprise, son but premier, c'est pas de protéger la société, c'est de gagner le plus d'argent possible. Donc les limites sont celles de l'éthique des dirigeants. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'éthique, eh bien, d'éthique personnelle, ils vont faire absolument n'importe quoi pour engranger des bénéfices. On l'a vu au fil des ans, parce qu'il y a eu un certain nombre de piratages d'entreprises privées qui fournissent ce genre de services, et les documents internes des entreprises se sont retrouvés sur Internet et on a pu les étudier. Et on se rend compte qu'effectivement, ces gens-là vendent à absolument n'importe qui, n'importe quel pays, avec des dirigeants sanguinaires et qui torturent leurs opposants politiques. Ça ne les dérange absolument pas. Jerry, est-ce que librement, je pourrais aussi, moi, qu'Antoine Tricot, acheter des logiciels qui me permettent d'espionner certaines personnes ? Alors, oui et non. Normalement, non. Le principe, c'est que non. C'est-à-dire que ces entreprises, elles vendent ce genre de logiciels et il y a souvent des contrôles aux exportations qui existent. Et donc, vous ne pourrez pas vous procurer ce genre de logiciel auprès de ces entreprises. Maintenant, on sait qu'il y a aussi d'autres moyens de façon officieuse, de façon illégale, de se procurer ce genre de logiciel. Donc, une personne peut éventuellement y avoir accès si vraiment elle le souhaite. Vous parlez, je crois, de prolifération dans ce cadre des cyberarmes. Oui, alors le concept de prolifération, traditionnellement, on l'emploie pour désigner la dissémination, enfin, là, en termes d'exportation, de transfert, de possession, d'armes de destruction massive ou d'armes légères et de petit calibre. Alors, on a aussi cette dimension-là dans le cadre des armes numériques, mais ce qui va caractériser la prolifération de ces biens, c'est aussi leur prolifération du fait de leur usage, soit parce qu'il va y avoir une dissémination due à leur usage dont le but est qu'elles se propagent le plus largement possible, soit parce qu'une fois qu'elles sont utilisées, qu'elles sont découvertes, elles vont permettre à des acteurs de monter en capacité. Ces acteurs vont pouvoir certaines fois réutiliser certaines parties du code, et de ce fait, ça va participer à leur prolifération. Donc c'est pour ça que je parle de prolifération pour ces biens, et une prolifération qui existe aussi par l'usage. L'exemple typique, hein, c'est WannaCry, c'est NotPetya. WannaCry et NotPetya, donc il y a des outils qui ont été dérobés à la NSA, notamment un exploit qui s'appelle Eternal Blue. Et ces outils ont été mis en ligne et ensuite certains États, si l'on en croit un certain nombre de personnes, en l'espèce donc la Corée du Nord pour WannaCry et la Russie pour NotPetya, ont réutilisé une partie de ces outils pour mener des campagnes de ransomware ou de sabotage. Odjeri, pendant très longtemps, il y avait cette blague qui circulait sur Internet, qu'Internet était surtout fait pour le porno. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet est surtout fait pour faire la guerre ? C'est le titre d'un article que j'ai écrit avec Frédéric Douzet. Le cyberespace sert d'abord à faire la guerre. Alors bien évidemment, non, ça n'a pas été créé pour ça. Mais aujourd'hui, les États projettent leur puissance dans le cyberespace, développent de plus en plus de capacités offensives, assument de développer des capacités offensives, assument de mener des opérations. Donc oui, aujourd'hui, le cyberespace, ça sert aussi à faire la guerre. Les victimes collatérales de cette militarisation du cyberespace sont nombreuses. Les cyberattaques se multiplient ces dernières années, et les vols de bases de données aussi. Et parfois, des informations très sensibles se retrouvent exposées. Les données personnelles, correspondant à 6000 rendez-vous médicaux, ont par exemple été dérobées au site français Doctolib en juillet 2020. On peut aussi s'inquiéter de l'utilisation de ces technologies pour bâillonner les oppositions politiques. Un article du site Reporter, signé par le journaliste Sylvain Lapoix en 2015, montre ainsi comment les agences de renseignement canadiennes ont utilisé ces armes numériques de l'antiterrorisme contre les militants écologistes à la faveur de la contestation des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. En France, des associations alertent sur l'arrivée de la surveillance numérique dans l'espace public, en particulier sur la vidéosurveillance automatisée. C'est ce que nous verrons dans le troisième épisode de cette série. C'était « À l'ère de la surveillance numérique » avec Fabrice Cocchio, Odjeri, Antoine Champagne, Félix Tréguer et Bernard Barbier. Merci à Camille Morel, Frédéric Douzet, Cédric Damour, Claire Chadourne, Yves Ferroen, Margot Vincent et Pierre Gatineau. Lecture, Anne de Peufeillou. Musique, Jules Négrier, Eve Aboulker et Pascal Battus. Documentation, Estelle Ferrari. Prise de son, Laurent Macchietti, Martin Troadec et Valérie Lavalard. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Rafik Zénine. Coordination, Perrine Kervran avec Marivonne Abolivier. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avec votre ordinateur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, Twitter et Instagram. Demain, troisième épisode, dans les allées de la Safe City. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.